J'ai été très impressionné quand j'ai lu Le Plongeur de Stéphane Larue parce que je m'attendais honnêtement à rien. Et j'ai découvert, premièrement, tout un style d'écriture. Deuxièmement, ça se lit comme un suspense. C'est vraiment, j'étais stressé dans cette cuisine-là de restaurant pour le gars. J'étais là, non, échappe pas les assiettes. Non, fais pas ça. Non. Sérieusement, j'ai adoré. Le personnage est très humain avec ses faiblesses, mais également des moments assez touchants dans le livre. Donc, oui, je ne travaillerai pas comme plongeur, mais j'ai adoré Le Plongeur de Stéphane Larue.